Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nicole Baudry, elle est secrétaire générale de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Rappelons que le mandat de cette commission est de réfléchir sur les enjeux éthiques liés aux activités scientifiques et technologiques et suite à cette réflexion de fournir au gouvernement des avis et des recommandations. Alors ces dernières années, la commission s'est penchée par exemple sur les nanotechnologies, les banques d'informations génétiques, la cyberintimidation, les technologies de surveillance, etc. Et l'un des derniers sujets que la commission a examiné, c'est la télésanté. Alors, qu'est-ce que c'est la télésanté et quels enjeux éthiques soulève cette façon de fournir des soins de santé? C'est ce que nous allons voir avec Madame Baudry. Madame Baudry, bonjour. Bonsoir Valérie, merci de me recevoir. Ah, c'est toujours un plaisir de recevoir vous-même ou Edith Delery que nous avons reçu aussi plusieurs fois ces dernières années. Donc, la commission d'éthique a publié son avis qui s'intitule « La télésanté clinique au Québec, un regard éthique ». Et d'ailleurs, chacun peut télécharger cet avis sur le site de la commission. Mais commençons par le début, Madame Baudry. Quand on parle de télésanté, on parle de quoi exactement? Concrètement, en fait. Pour répondre à votre question, Valérie, je vais vous donner trois exemples fictifs de télésanté qui sont assez communs aujourd'hui. Alors, le premier exemple, c'est Madame Rose, qui est atteinte de sclérose en plaques. Elle est peu mobile, ses déplacements sont pénibles et douloureux. Mais grâce à la technologie, elle peut rencontrer son médecin par Skype sans avoir à quitter sa maison. Mm-hmm. Un deuxième exemple serait Monsieur Pinsonneau, qui déteste l'hiver, mais qui peut consulter son médecin aussi par Skype à partir de son condo en Floride. Mm-hmm. Et un autre exemple, ce serait par exemple notre bon docteur Valcourt qui veut offrir un service rapide à ses patients. Donc, il fait faire la lecture de la radiographie d'un de ses patients par un spécialiste qui se trouve dans un autre fuseau horaire, par exemple en Inde, et tout ça pour avoir des résultats très tôt le lendemain. Alors, comme vous voyez, Valérie, ces trois cas de figure, comme je vous le disais, illustrent bien les pratiques actuelles en télésanté. Donc, si on veut définir la télésanté plus sérieusement et autrement que par ces exemples, on peut dire que c'est l'utilisation des technologies de l'information et des communications, ce qu'on appelle souvent TIC. TIC, oui. TIC. C'est ça. Puis, dans le but de rendre des services de santé ou de services sociaux à distance. D'accord. Alors, voilà ce qu'on peut dire de ce qu'est la télésanté. Oui, donc là, il y a eu finalement des téléconsultations. Oui, exact. C'est ça. Puis des interactions entre professionnels de la santé. Des pratiques à distance. C'est ça. Est-ce que et quand on parle de télésanté clinique, donc qu'est-ce que ça ajoute, le fait de rajouter clinique par rapport à télésanté? Bien, je veux dire, ce sont des pratiques de comme des consultations, je veux dire, c'est tous des rencontres qui se feraient dans un contexte ordinaire d'une rencontre avec un médecin, mais tout ça se fait à distance par un mécanisme, celui des TIC dont D'accord. on parle. Donc, toutes ces technologies de l'information. C'est ça. Donc, on comprend bien, là, finalement, que c'est une façon c'est de fournir. Clinique, c'est oui, ça. C'est ça. Ça se passe en clinique. Donc, et on comprend que, finalement, c'est de fournir des soins de santé à distance. Oui. Grâce aux nouvelles technologies de communication. Mais dites-moi, en quoi l'éthique est concernée? En quoi est-ce que la commission de l'éthique en sciences et technologies s'est sentie concernée? Ben écoutez, je vais reprendre les exemples que je viens de vous donner, les trois exemples. Et déjà, dans ces trois exemples-là, on peut constater que la télésanté n'est pas sans risque et qu'il y a déjà des questions qui se posent. Par exemple, à propos de la relation entre le professionnel de la santé et le patient, lorsque la technologie joue un rôle d'intermédiaire, alors les personnes ne sont pas en présence, bien entendu, et aussi, on pourrait avoir des questions, par exemple, sur les défaillances technologiques possibles, qui pourraient avoir des impacts sur le diagnostic ou sur le suivi. Oui, oui, oui. Donc, c'est dans ce sens-là que le regard éthique est important. Mm-hmm. Et donc, vous parlez de Skype. Donc, je comprends que c'est très pratique. Ça permet de se parler à distance. Mais est-ce que c'est vraiment sécuritaire d'un point de vue de confidentialité? Est-ce que le secret professionnel risque d'être brisé, par exemple? Bien, vous savez, Valérie, quand on parle de données personnelles et confidentielles, l'intégrité du réseau de transmission des données, autrement dit l'Internet, c'est un enjeu parce que c'est jamais sécuritaire à 100%. La localisation du serveur aussi pose un enjeu, dépendamment que ce soit du logiciel qu'on utilise Il faut dire aussi que c'est pas les mêmes lois qui s'appliquent quand et les mêmes protections non plus, indépendamment que le serveur est en Inde, au Québec, en Californie, mm-hmm. à Chypre. Donc mm-hmm. c'est pas nécessairement les mêmes la même protection. Il y a aussi des enjeux de responsabilité professionnelle lorsque le professionnel est à distance ou à plus forte raison lorsqu'il est dans un autre pays. Mm-hmm. Donc vous comprenez que tous ces éléments-là peuvent jouer sur la qualité des services pour le patient. Et la sécurité de l'information aussi. Mmh, d'accord. Et donc, pourquoi la commission s'est intéressée à ce dossier-là? C'est pour trouver des réponses à tous ces enjeux-là? Oui, c'est une bonne question. Ça me permet de vous rappeler, mais vous l'avez bien fait, là, que notre mandat, c'est justement de réfléchir aux enjeux éthiques qui sont liés aux avancées scientifiques et technologiques, puis de conseiller notre ministre, qui est le ministre de l'Éducation, sur ces questions. Donc, c'est en faisant une veille prospective sur les applications technologiques que la commission a constaté que les activités de télésanté augmentaient au Québec. Mm-hmm. Il y en avait 260 000 de différentes natures en 2010, et c'est facile pour nous de constater que ça irait en augmentant dans les prochaines années. Mais on a aussi constaté qu'il y avait des tensions entre les avantages et les risques possibles. Mm-hmm. Aussi, la commission a estimé qu'une réflexion éthique s'imposait, surtout si le gouvernement souhaitait aller de l'avant et passer des petits projets de télésanté qui sont, par exemple, très fréquents dans les régions éloignées, oui. à un déploiement à plus grande échelle dans le réseau. Mm-hmm. Donc, l'objectif de la commission, avec cet avis-là, c'est vraiment de favoriser une utilisation optimale de la télésanté tout en restant conscient qu'il peut avoir des dérives mm-hmm. et qu'il faut les prévenir. Ouais, ouais, ouais. Mais je dois vous dire, par exemple, que le contexte est favorable à la télésanté. Vous savez, en santé comme partout ailleurs, il y a une utilisation croissante d'éthique. C'est pour ça que la télésanté occupe une place de choix au cœur des réformes importantes qui sont mises de l'avant mm-hmm. par le ministère de la Santé et des services sociaux. On parle notamment de revoir la façon dont on prend en charge les patients atteints de maladies chroniques. Mm-hmm. On exige aussi plus de collaboration et de coordination entre les professionnels mm-hmm. de la santé. Mm-hmm. Et aussi, on a besoin d'un suivi des patients qui soit étendu et continu dans le temps. Mm-hmm. Enfin, pour conclure sur cette question, je vous dirais que d'un côté, l'éthique offre des solutions intéressantes pour mettre en relation tous les acteurs impliqués et faciliter cette coordination-là. Mais d'un autre côté, la télésanté, c'est une approche qui a un caractère innovateur important qui risque d'avoir des effets sur la pratique clinique et oui. sur les patients. Oui. Donc, il y a aussi le fait que la télésanté pose, en ces temps d'austérité, des questions de bénéfices et des coûts pour le système de santé. Donc, on ne pouvait pas ignorer les risques puis dire que l'implantation de la télésanté allait bien se dérouler sans évaluer les changements. Ça va répondre à tous les... C'est oui, ça. C'est, ouais. Donc, pour la commission, c'était maintenant qu'il fallait mettre l'éthique au cœur de la réflexion pour faire en sorte que le Québec se dote d'une vision d'ensemble mm-hmm. pour un développement responsable mm-hmm. de la télésanté. Mm-hmm. Donc, c'était l'objectif de se pencher sur cette pratique-là. D'accord. Et donc, après toute cette réflexion, donc là, c'est une réflexion qui se fait aussi avec des spécialistes. Oui, c'est pas juste l'équipe de la commission, il y a des spécialistes. Oui, absolument. Donc, après toute cette réflexion, quelle est la vision que la commission met de l'avant? Bien, vous le dites bien, là, pour comprendre les enjeux puis éclairer la réflexion des membres de la commission, on a bien entendu fait les recherches qui s'imposaient, on a examiné ce qui se faisait ailleurs, mais on a aussi mené des consultations qui ont été quand même assez importantes et qui nous ont permis de voir des choses. Donc, ça nous permet d'affirmer que la télésanté, ça a une plus-value qui n'est pas négligeable, mais à condition que ça soit implanté au service de l'intégration des services. On parle ici d'accessibilité. Accessibilité, donc, pour tout le monde. Pour le patient, de continuité, de participation des usagers, de la qualité des services. Mm-hmm. Et aussi que son développement soit axé sur la demande, c'est-à-dire sur les besoins réels dans le système de mm-hmm. santé, et non pas sur une offre technologique qui serait orienté par l'industrie. OK. Autrement dit, c'est pas parce que les technologies, l'éthique existent qu'il faut créer la télésanté, absolument, mais bien parce que ça répond à un besoin, absolument, pour vous apporter avez... des soins peut-être dans les populations isolées ou les gens qui veulent renouveler peut-être un soin mais qui n'ont pas besoin d'une consultation approfondie. Vous avez bien vu la chose. Et pour être plus précise, je vous dirais que on a noté ça dans le rapport, que la commission estime que le développement de la télésanté doit se faire en respectant certaines conditions. D'abord, il faut qu'il y ait une évaluation des besoins réels des patients, puis une mobilisation des professionnels, et surtout qu'on tienne compte de la variété des contextes de soins. C'est pas la même chose qu'on reçoive des soins en cabinet, à l'hôpital, chez nous, dans nos maisons. Donc, ça peut pas être une approche mur à mur. Il faut aussi qu'il y ait une utilité clinique à faire de la télésanté et que ce soit fait de façon sécuritaire et également que le rapport coût-efficacité soit avantageux pour, évidemment, pour respecter la capacité de payer des contribuables puis pas nuire aux autres missions essentielles de l'État. On se demande s'il y a un paradoxe ou pas. On se dit, on va peut-être mettre les communications pour faire de la télésanté pour résoudre des coûts, réduire des coûts, mais en même temps, ça a un coût d'implanter ce service-là. C'est ça. Et la commission a ajouté une condition qui nous paraît essentielle, c'est que tous les acteurs impliqués, que ce soit des concepteurs jusqu'aux praticiens, ces gens-là doivent tous, des concepteurs de logiciels ou des applications, jusqu'à ceux qui les utilisent, ce que j'appelle les praticiens, il faut qu'ils partagent la même finalité, qu'ils aient la même vision. Et je vais vous dire que ça ne va pas nécessairement de soi. Pour avoir entendu tous ces gens-là en consultation, ça ne va pas nécessairement de soi. C'est pour ça que l'État, en collaboration avec les acteurs importants, entre autres les ordres professionnels, ils ont un rôle à jouer pour bien orienter l'utilisation de la télésanté. Donc, concrètement, puis on n'a pas parlé du patient non plus, parce que lui, est-ce que le patient est apte à utiliser cette... c'est un des enjeux qu'on a. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour implanter efficacement la télésanté? Bien, je vais répondre à cette question-là en disant que la commission a formulé 26 recommandations, ce qui n'est pas rien. Et ces 26 recommandations-là concernent 4 enjeux qu'on a identifiés, 4 enjeux qui nous semblent majeurs. Le premier, c'est l'innovation et la transformation du système de soins. Le deuxième enjeu concerne la qualité de la relation clinique et la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Le troisième enjeu concerne la médicalisation du milieu de vie et l'autonomie des personnes. Et finalement, le dernier enjeu concerne la confidentialité des renseignements de santé et le respect de la vie privée. Donc, les recommandations que nous avons faites concernent ces 4 enjeux-là. D'accord. Donc, quand vous parlez de l'enjeu sur la qualité, de l'enjeu clinique, qu'est-ce que vous voulez dire et quelles sont les recommandations pour cet enjeu-là, par exemple? OK. Par exemple, on met souvent en lien l'enjeu de la qualité de la relation clinique avec la protection de la personne vulnérable. Le problème ici... Vulnérable dans quel sens? Bien, parce que... elle peut se retrouver toute seule avec la technologie. C'est ça, vulnérable, parce qu'elle ne serait pas en mesure d'utiliser adéquatement la technologie. Oui, possible. Ou elle peut subir des pressions pour qu'il y ait cette technologie-là. Alors, il y a quand même où ça peut exacerber la vulnérabilité de la personne. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose des conséquences que peuvent avoir l'utilisation des TIC sur la relation entre le patient et le professionnel. Les études qui ont été faites à date permettent pas de tirer des conclusions claires sur ce qui a un effet positif ou négatif sur cette relation-là. Pour la commission, le développement et le maintien d'une relation de qualité entre un professionnel de la santé et un patient, ce sont des éléments de la prestation éthique de soins. On sait tous à quel point la relation clinique repose avant tout sur la confiance et le respect mutuel. La communication entre le patient et son médecin, c'est pas qu'un simple échange de renseignements. Ça comporte des dimensions humaines, des dimensions affectives, qui sont importantes autant pour le patient que pour le professionnel de la santé. le professionnel de la santé, dans une entrevue, dans un rapport avec le patient, va souvent deviner une information qui n'est pas exprimée par le patient, mais qui est pourtant extrêmement pertinente pour le médecin. Pour l'attitude du patient. Oui, absolument, pour l'exercice du jugement clinique. Puis qu'on verrait pas forcément par Skype ou par... Peut-être que non. Ouais. Je veux dire, c'est pas des choses on peut pas tirer de conclusion encore. On n'a pas suffisamment d'études. Mm-hmm. Alors, nous pensons qu'une compréhension mutuelle puis une bonne collaboration entre le patient puis le professionnel, c'est aussi primordial pour assurer la qualité des soins et permettre au patient d'exercer son autonomie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre les conséquences d'éthique sur la relation clinique. Donc, pour prendre cet enjeu-là en compte, la Commission recommande de poursuivre les recherches sur les facteurs qui influencent la qualité de la relation clinique et de s'assurer aussi qu'on mesure bien les conséquences sur la relation de confiance, sur la communication, puis sur le soutien affectif. C'est important. Et pour cet enjeu-là aussi, on a recommandé que les associations et les ordres professionnels continuent de faire la promotion d'une pratique responsable de la télésanté, puis veillent au soutien et à la formation adéquate de leurs membres. Vous me demanderez pourquoi cette dernière recommandation-là. Alors, c'est important parce que les professionnels de la santé doivent être en mesure d'identifier les situations où des personnes ou des groupes seraient plus susceptibles de subir un préjudice ou seraient plus vulnérables. C'est de ce qu'on parlait tantôt. Il faut que cette personne-là soit capable de voir si le patient a les capacités cognitives nécessaires pour bien comprendre les avantages et les inconvénients de l'intervention. Est-ce qu'il y a le niveau de compréhension nécessaire pour bien utiliser la technologie? Oui, est-ce qu'il est intimidé par cette technologie? Oui, absolument. Est-ce qu'il a un refus de cette technologie? Absolument. Puis donc, il va refuser la rencontre avec le médecin? C'est ça. Ouais. Est-ce que la personne accepte ou refuse l'intervention en raison de pression qui serait faite sur elle? Oui. Est-ce qu'il est à l'aise de parler? Oui, absolument. Ouais. Est-ce que le patient croit que accepte cette intervention-là parce qu'il pense que c'est la seule façon d'obtenir des soins dont il a besoin? Ouais. Donc, c'est important que le professionnel de la santé puisse percevoir cette vulnérabilité-là ou si le patient subit un préjudice. Donc, effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Oui, absolument. Ouais. Et quand vous parlez de l'enjeu du respect de la vie privée, là aussi, vous avez dû faire des recommandations. Si vous me permettez, avant de répondre à cette question-là, allez-y. Je ne voudrais pas oublier, parce que vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, vous avez parlé des communautés isolées. Oui. Alors, dans l'enjeu dont on parle... il y a une possibilité non négligeable d'offrir... Parce qu'on le voit dans le cas des communautés isolées, on le voit l'avantage des télésantés. Oui, absolument. Donc, il y a une possibilité non négligeable qu'offre la télésanté de rejoindre les communautés éloignées, dont les communautés autochtones. Et devant cette possibilité-là, il y avait aussi une recommandation que la Commission a faite, parce que ça nous semble important, c'est que ces communautés-là aient leur mot à dire sur les projets de télésanté et que ce soit ces communautés-là qui fassent l'évaluation de leurs besoins. Et aussi important que les professionnels de la santé tiennent compte des pratiques puis des savoirs traditionnels de ces communautés-là. Donc, ça peut jouer dans la relation clinique. Donc, c'était quelque chose pour nous c'est important de penser à ces communautés-là et de voir le bénéfice qu'ils peuvent en retirer. Comment eux, ils l'envisagent et comment ils voudraient l'utiliser ou ne veulent pas l'utiliser s'il y a un refus. Ou l'utiliser en tenant compte de leur savoir traditionnel. Exactement. Je m'excuse de vous avoir interrompu. C'était un très bon point. Et donc, je reviens dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, parce qu'on en a évoqué avec Skype, comment on peut s'assurer du respect de la confidentialité des données, du respect de la confidentialité des données. Donc, par rapport à cet enjeu du respect de la vie privée, vous avez dû faire des recommandations. Oui, absolument. C'est un enjeu important. Le respect de la vie privée, la confidentialité des renseignements les renseignements de santé. Je vais vous dire que la commission estime que la situation est assez positive mm-hmm. en ce qui concerne l'information qui circule dans le réseau, notamment via les dossiers de santé électronique dans les hôpitaux et par le dossier Santé Québec. L'enjeu principal, c'est celui de la confiance et de la transparence, ce qui demande aux professionnels de la santé d'être très transparents avec leurs patients en ce qui concerne la manière dont les renseignements personnels vont être conservés, qui y aura accès, pour quelles raisons on pourrait y avoir accès. Donc là aussi, c'est aussi pour mettre le patient en confiance, finalement. Ben oui, absolument. Mm-hmm. Mais comme je vous le disais, l'encadrement actuel est bon. Ce qui inquiète le plus la commission, c'est lorsque l'information sort du réseau ou c'est l'information qui est générée et transmise complètement en dehors du réseau. Des exemples de cela, mm-hmm. c'est par exemple lorsqu'un professionnel va prendre une photo d'une plaie avec son téléphone intelligent et va transmettre cette photo-là à un collègue pour obtenir son avis. Mm-hmm. Un autre exemple de ça, c'est lorsqu'ils échangent des courriels ou des textos à propos de cas qu'ils traitent à partir de leur appareil personnel pour obtenir un avis de leur collègue. Ou encore lorsque les données sont conservées dans le cloud. Mm-hmm. Donc, vous voyez que ça se fait de plus en plus chez les jeunes qui sont médecins, professionnels de la santé qui sont habitués à avoir mm-hmm. des téléphones intelligents, c'est une pratique qui devient courante. Et c'est ça qui nous interpelle le plus à la commission. Parce que ces outils-là font pas partie intégrante du réseau lui-même. C'est ça, exactement. Ce sont des appareils personnels. Oui. Donc, la commission a d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il en est fait, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est fait exactement, des données qui sont sur ces appareils? Est-ce que c'est sécurisé, tout ça? Ouais. Donc, la commission, dans cette optique-là, a fait la mise en garde suivante que je vais vous citer. Donc, elle dit, il y a des risques de violation de la confidentialité et de la sécurité des données de santé lorsque celles-ci sont partagées par des outils non contrôlés ou plus à risque, comme les appareils personnels, les connexions Internet non sécurisées et l'info nuagique. Mm-hmm. Donc, ça réfère vraiment aux exemples que je vous donnais, mm-hmm. des professionnels qui peuvent prendre une photo avec son téléphone intelligent. Donc. Et dans la foulée de cette mise en garde, la commission a recommandé au gouvernement du Québec de s'assurer, par l'intermédiaire de la commission d'accès à l'information ou autrement, de protéger la sécurité et la confidentialité des renseignements de santé qui requièrent de circuler en dehors des limites strictes du réseau de santé. Donc, c'est une recommandation parce que c'est une pratique qui se répand de plus en plus. Mm-hmm. Bien, on voit que la télésanté, si on veut qu'elle profite efficacement et équitablement à la population, puis c'est ça à tous, et de façon aussi bonne que la santé non télé, ben on voit que c'est bien plus qu'une question de santé et de technologie. On voit qu'il y a toute une réflexion derrière à faire, donc que vous menez à la commission d'éthique. Peut-être qu'on peut rappeler le site de la commission d'éthique pour savoir où on peut trouver ce rapport, cet avis. Bien sûr qu'on peut, et ça me fait plaisir. Valérie, tous les travaux sont disponibles au site web de la commission au www.éthique.gouv.qc.ca. Mm-hmm. Et là, tous nos travaux sont en ligne. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mme Baudry, pour nous avoir partagé la réflexion de la commission de l'éthique en sciences et en technologie sur la télésanté. Et je rappelle que vous êtes secrétaire générale de cette commission. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de venir vous entretenir.